BR Métal et ses quatre divisions. Mobilier public, BR Industrie, Aluco, BR Peinture Industrielle. Désire souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Le groupe BR Métal est un employeur important dans le milieu, puisqu'il génère presque 40 emplois et ne cesse de grandir. Le groupe BR Métal est situé au 353 Gustave Dessureau, au numéro de téléphone 418. Tout le personnel et la direction de Dolbeau Auto souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population. Que l'année qui débute vous offre santé, paix, bonheur et prospérité. Dolbeau Auto, au 1770 boulevard Wahlberg, à Dolbeau-Mistassini. On nous rejoint au 418-276-0580. Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. On va parler avec Simon Boisvert, évidemment, des top 10 des meilleurs espoirs en vue du Canadien de Montréal. C'est un exercice qu'on aime ça faire durant la période des fêtes. Salut Simon. Salut Danny. Simon, on va y aller avec le top 10. L'année passée, tu avais commencé avec les 22 ans et moins. Donc, j'imagine que tu vas aller avec ça aussi, j'imagine, encore cette année. Ben, cette année, j'ai préparé quelque chose peut-être d'un peu différent. Okay. Dans le sens que j'ai enlevé trois joueurs de tout ça. J'ai enlevé Caulfield, Romanov et Paley. OK. Parce qu'ils sont déjà avec le club. Oui, c'est ça. Ils sont déjà avec l'équipe. Alors, j'ai préféré me concentrer sur les joueurs qui ne sont pas avec l'équipe ou qui ne sont pas établis dans l'équipe encore. Juste une question. Paley, tu vois, tu compares. Moi, je pense qu'il y a le potentiel de remplacer Philippe Danault éventuellement. Oh. C'est une grosse... Bon, mais le Philippe Danault, quand il est arrivé à Montréal, c'était pas ce qu'il était devenu, là. Non. C'est pas mal le même style de joueur. Gros bonhomme, joueur de centre. Ce ne sera jamais un premier joueur de centre. Ce sera jamais un deuxième joueur de centre. Oui, non? Moi, je pense que Ryan Paling, si tu as une équipe très, très forte, ouais, trois. C'est un quatrième centre. OK. Troisième centre dans une équipe ben ordinaire. Mais Danault, c'est un deuxième... Et peut-être un troisième centre dans une équipe ordinaire. Dans une très bonne équipe, ce troisième centre, Danault. Oui, troisième dans une équipe championne, deuxième dans une équipe moyenne. Ouais, OK. Donc, on va y aller avec ton exercice. Bon, alors vois-tu, c'est un exercice, ça, qui est difficile à faire pour à peu près 90 % des équipes, parce qu'on sait très bien que si tu sors 10 prospects, les 10 ne feront pas la Ligue nationale. Okay. Alors moi, j'ai mis ça un petit peu en bloc. Le premier bloc, là, c'est un bloc de deux joueurs. J'ai Kaden Goulet et Jordan Harris. Ça, c'est les deux premiers, j'imagine un et deux. Un et deux. Goulet et Harris, un et deux. Parce que je crois que ça va être deux joueurs qui vont jouer dans la Ligue nationale. Puis je pense que Kaden Goulet peut devenir un défenseur top 4. Harris, va falloir le signer par commencer, puisqu'il va jouer autonome à la fin de l'année. Ça, c'est très important. Ce qui m'aide un peu, c'est que Jack Gorton, semble-t-il, le connaît bien. Mais Harris, c'est quoi un défenseur offensif? Ça peut être. C'est un gars qui a des qualités offensives, mais dans la Ligue nationale, on parle, écoute, dans le meilleur des cas, un numéro 4, sinon un numéro 5. Ah ouais, pas plus que ça. Putain, on parle de régulier. T'sais, si le gars joue 16-17 minutes par match dans la Ligue nationale, c'est très bien, surtout pour un choix de troisième round. OK. OK. La seule chose qui va être tentante pour Jordan Harris, c'est que. Oui, il peut signer avec le Canadien au mois d'avril, mais pourquoi pas attendre au mois d'août puis peut-être des enchères. Réfléchir à tout ça. Ben, le salaire est le même. Okay. Sauf que tu peux réfléchir à tout ça pendant l'été puis dire ben, dans quelle équipe est-ce que je cadre le mieux? Parce qu'oublie pas que lui, sa famille, son agent, ils vont regarder les alignements de toutes les équipes puis voir où il va avoir la meilleure opportunité. On dit qu'il aimerait ça jouer à New York avec les Rangers. Tu t'attends de ça? Oui, mais à New York, là, ça commence à être congestionné à défense. Oui, effectivement. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne place pour lui. OK. Donc, Goulet 1, après ça, Harris 2, le troisième. Ouais. Le troisième. Bon, là, j'ai un bloc de 4 joueurs. OK. C'est quatre joueurs qui, d'après moi, ont une chance de devenir des réguliers dans la NHL. Mais il n'y a vraiment pas de garantie dans aucun de ces quatre-là. Et puis moi, je vais les classer surtout par ordre de talent dans ce cas-ci. C'est pas drôle. Hein? Quand tu dis que tu as deux, t'es rendu troisième joueur et tu n'es même pas sûr qu'il va faire la Ligue nationale. J'y vais avec Sean Farrell. OK. Mais Sean Farrell, c'est probablement le joueur le plus talentueux de l'organisation du Canadien en ce moment. Sauf qu'il est vraiment minuscule. Il joue dans l'université Harvard que tu me rappelles, tu avais dit, lui, il devrait venir à Gatineau. Ben, il devrait venir à Laval, en fait. Ben, il n'est pas repêché, mais il n'a pas d'âge encore pour jouer. Ben, là, il a 20 ans, il devrait aller à Laval. Tu sais. Okay, l'année prochaine, 21. Écoute, il joue des très courts calendriers à Harvard. Il va jouer une trentaine de matchs. Il n'a vraiment pas assez. Mais, écoute, il est très habile. Mais lui, la question est de savoir est-ce que les rigueurs physiques de la LNH vont être capables d'y aller parce que, quoi que ce soit, c'est un joueur très habile, mais ce n'est pas nécessairement un joueur ultra rapide. Mais je le mets quand même troisième en raison de son potentiel, même s'il y a des joueurs qui vont suivre, qui vont peut-être atteindre la Ligue nationale, mais à un niveau vraiment là, moyen. Moi, le quatrième que j'ai sur ma liste, c'est Yann Michak. Yann Michak, OK. Oui, qu'on a vu à Laval l'an passé. Deuxième ronde dans 2020, je crois. Oui, il a été assez discret l'an passé à Laval. Il est retourné au junior cette année. Ouais. Il a une très bonne saison. Lui, il doit revenir à Laval l'an prochain. Yann Michak, moi, c'est un gars que je verrais comme peut-être, là, dans le meilleur des cas, un troisième centre. C'est un gars qui est très responsable dans les trois zones et qui a un certain potentiel offensif. On parle d'un troisième centre, là, tu sais, du calibre, comme on parlait, là, peut-être Ryan Poehling. Là, pas dans le même genre, mais dans le même... les mêmes attentes de rendement, mettons. OK. Bon. Ensuite, j'ai un joueur qui est à Montréal en ce moment, mais qui vient juste d'arriver, c'est Jesse Ionen, qui a marqué un but hier soir. Ben, Ionen, il a un bon lancer, c'est un bon attaquant, mais est-ce que c'est un gars qui peut jouer 82 matchs dans la LNH? Moi, je le trouve un peu frileux. C'est pas un gars qui gagne ses batailles pour la rondelle. En ce moment, il est un peu là par défaut à cause des blessures, à cause de la faiblesse du club. Alors, c'est loin d'être certain qu'il va s'établir, mais c'est quand même une possibilité. Encore là, lui, on parle d'un joueur de milieu d'alignement dans le meilleur des cas. OK. Joueur roi, tu vois où? Je l'ai dans la catégorie suivante. OK. Je vais t'expliquer pourquoi. Okay. Le dernier gars de cette catégorie-là, c'est Kaden Primo. OK. Kaden Primo, il a eu des bons matchs, mais il y a eu des très mauvais matchs aussi. C'est une bonne base. Il faut dire que l'entrevue était enregistrée peu avant la période des fêtes. On va la diffuser pendant les fêtes. Donc, Kaden Primo est sur une bonne base parce qu'il y a quoi? 6 matchs consécutifs au moment où on enregistre le podcast? Oui, à Laval, mais moi, je te parle des matchs qu'on a vus avec la Canadienne. Oui, il était très bon au Madison Square Garden. Par contre, l'autre match a été affreux. Ben, c'est un gars qui donne beaucoup de retours de lancer. Ouais. Et puis, tant que ça ne sera pas amélioré, il ne pourra pas aller bien plus loin. Écoute, dans le meilleur des cas, d'après moi, je le vois comme un gardien réserviste. Dans le meilleur des cas, OK. Ben, je ne le vois pas comme un numéro un, moi. OK. Je ne vois pas qu'il y ait une primo jouer 55 matchs dans la Ligue nationale par année dans quelques années. OK. Moi, je ne vois pas ça. Je vois, dans le meilleur des cas, un backup. Bon, ensuite, là, on tombe dans la dernière catégorie de joueurs. Là, tu es rendu à quoi, là, de 6 à 10? On est rendu au 7e, là. OK. Bon, là, c'est encore un mélange, là. Tu sais, l'écart n'est pas très grand entre ces quatre gars-là. Alors, c'est difficile d'arriver et de dire, bon, qui est numéro 7, qui est numéro 8. Mais je vais quand même y aller avec Joshua Roy. OK. Je vais avec Joshua Roy, 7e, parce que Joshua Roy, c'est quand même un gars qui a un bon pedigree, qui a déjà été le meilleur joueur midget au Québec et qui a connu un bon camp d'entraînement avec le Canadien et qui connaît une excellente saison dans la Ligue majeure du Québec. La question de Roy est de savoir, est-ce que c'est un gars qui a le patin pour jouer sur un top 6 dans la Ligue nationale? Parce que s'il ne peut pas jouer sur un top 6, je ne le vois pas vraiment comme un gars de troisième, quatrième trio. Mais dans le cas de José Roy, il était un choix de cinquième ronde. Puis ce qu'on dit à l'époque, c'est qu'il y avait un problème d'attitude. Puis ça, il était réglé. Hein. Ça avait beaucoup plus positif, il se présente beaucoup mieux. Donc ça il aurait pu faire monter certainement en deuxième ronde, ça n'aurait pas été là-dessus. Bien, c'est parce que je ne sais pas l'attitude comme telle en dehors de la glace, mais moi, ce que je voyais sur la glace, je voyais un gars qui n'était pas toujours très, très travaillant. Ouais. Quand il était à Saint John, ça s'est amélioré en fin de saison à Sherbrooke. Alors, écoute, moi, je te vois honnêtement, je l'avais classé fin deuxième, début troisième sur mon propre classement personnel. J'ai été surpris qu'il soit encore là en cinquième ronde. Mais là, lui, comme je te dis, c'est une question de savoir est-ce qu'il est assez rapide, il est assez bon pour faire le top 6, sinon ça va être un joueur pour Laval. Alors, en ce moment, un point d'interrogation. Donc, on est rendu au septième. OK, tu n'as pas nommé des joueurs comme Mayu, tu n'as pas nommé des gars comme Riley Kitney. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, huitième. Tu vas voir où je m'en vais. Je vais t'en parler de Mayu et Kitney, okay, d'ailleurs. Okay. Bon, huitième, moi, j'ai mis Oliver Kapanen. C'est un joueur qu'on va voir pour la Finlande au championnat junior dans quelques jours. Quoi de deuxième ronde, je pense. Oui, fin de deuxième ronde. Ouais. C'est un ailier qui a un bon potentiel offensif. Mais encore là, est-ce que c'est un top 6, un troisième trio? Là, il y a juste 18 ans. On est vraiment très, très loin de la Ligue nationale dans son cas. Mais je dois l'inclure parce qu'il y a quand même... C'était pas un mauvais choix. Je voyais quand même un certain potentiel. Okay. Bon. Ensuite, je vais y aller avec Jaden Struble. Ça, c'est le 9e. Struble, un gros défenseur. On dit très physique, hein? Très physique. Bon patin. Ça, je te dirais, lui... C'est un énigme. Ben, il est souvent blessé. Ouais. Mais c'est un gars qui pourrait vraiment peut-être être un défenseur numéro 6 ou numéro 7. OK. Mais ça, c'est normal. Tu sais, c'est un choix de deuxième ronde. Il ne faut pas s'attendre à des top 4. Là, mais je comprends pourquoi tu es un peu déçu. C'est parce que ça me fait rire. Parce que je regarde toujours dans les coulisses les rapports des dépisteurs puis les rapports des experts. On nous les vend toujours comme étant c'était Raymond Bourque qui arrivait à Montréal. Là, tu m'arrives le septième défenseur, puis à quelque part, je ne suis pas surpris. Mais tu sais, le problème, Danny, aussi, c'est que même si j'ai raison dans 19 fois sur 20, la fois sur 20 où le gars va progresser mieux que je pensais, ouais, c'est celui-là que je me fais remettre sur le nez. Ben, c'est ça. C'est ça, regarde, Norinda, ça commence à... Tu as dit qu'il ne jouerait pas dans la Ligue nationale, puis ça commence... je me rappelle l'année passée, c'était Niklas Lindstrom qui était à Montréal. Puis là, ce que tu te dis, c'est... Je te dis pas que au mieux, ça va être un spécialiste, un genre de Chris Wegman que tu vas voir sur l'avantage numérique de temps à autre, puis c'est tout. Hein? Oui, mais est-ce que les équipes... Je vois ton visage, puis ça me fait rire. Est-ce que les équipes peuvent se permettre d'avoir un joueur comme ça? Non. Si on pouvait avoir 7 ou 8 défenseurs, peut-être, là, mais 6 défenseurs, il faut que le gars soit capable de jouer défensivement. Puis le gars, honnêtement, il est mou dans sa zone. Un Sami Nikou. Moi, ça fait plusieurs années que son cas est réglé à Norlinder, mais pour des raisons absolument incroyables, il a été moussé. Sa candidature a été moussée. Et puis, il y en avait qui l'attendaient comme un sauveur de la brigade défensive. Moi, écoute, je suis réaliste. Il y en a qui disent que je suis négatif, je suis réaliste. Bon. Dixième, moi, j'ai un joueur qui va peut-être te surprendre, c'est Dmitri Kostenko. Ça, c'est le choix de troisième ronde du Canadien cette année. En effet. Ouais, sais-tu quoi? Ouais. J'ai pas détesté ce choix-là. Mm. Ah oui, je me rappelle, tu l'avais. Ouais. Ouais, c'est un gars qui a un bon physique. Puis, dans le fond, je le mets dixième, mais tu sais, je pourrais le mettre plus haut aussi. C'est juste qu'il est quand même assez loin de la Ligue nationale. Mais je trouve que c'est un joueur discipliné, c'est un joueur qui patine bien, il a un bon physique. Il est en VHL, l'équivalent de la Ligue américaine pour la Ligue. Oui, c'est ça, évidemment. Ouais, il est en VHL. Hein? Oui, c'est très faible comme ligue. Là. Ouais. On est loin de la Ligue américaine, mais c'est l'équivalent en Russie. Moi, je ne le déteste pas. Puis si jamais il veut venir en Amérique et puis il y a une chance, ça pourrait être un joueur peut-être de troisième paire. On ne sait jamais. Bon. Là, il y a des noms que j'ai omis. Mayu n'est même pas là. Riley Kitney n'est pas là. Omis Luke Tuck. Ça, tu me l'avais dit. L'année passée, en partant, tu me l'avais dit. Tu dis, je ne serais pas sur cette section-là, Pantou. Non, pas du tout. Il n'y a pas une très bonne saison non plus, mais il a été blessé. Ouais. Lui, je te dirais, s'il fait la Ligue nationale, ça va être un genre de joueur qui va jouer 5-6 minutes par match dans le quatrième trio parce qu'il a un physique imposant. Okay. Alors, il y a des gars comme ça qui jouent un rôle dans une équipe, puis peut-être que lui pourrait jouer un rôle. Okay. Mais pour un choix de deuxième ronde, de début de deuxième ronde, je trouve que c'était décevant là, parce que En deuxième ronde, tu ne repêches pas un gars pour jouer 6 minutes par match non plus. Bon. Logan Mailloux. Ben, Logan Mailloux, moi, je l'avais classé. Deuxième ronde. Je pense qu'il a été choisi un petit peu haut par le Canadien. Ouais. Il y avait d'autres gars. Il y avait un joueur comme Scott Morrow, moi, que je préférais de beaucoup. Là, on ne parle même pas des problèmes. Non, on n'en parle pas. Là, on va dire strictement hockey. On parle juste du hockey. Là. Toi, là, il a été suspendu. Ça ne l'aide pas. Alors qu'il aurait pu jouer avec les Knights de London cette année. Est-ce qu'il s'est annoncé qu'il revient après les fêtes? Il n'y a rien qui a été annoncé. J'imagine que s'il ne peut pas revenir, il va aller jouer en Europe comme il a fait l'an dernier. Moi, ce que j'ai vu de lui en Europe l'an dernier, j'ai vu un gars quand même qui était capable de manier la rondelle, sortir la rondelle de la zone. Mais c'est rien vraiment qui sort de l'ordinaire. Mm. Mm. On se demande pourquoi ils se sont donné tout ce trouble-là pour un joueur qui ne sort pas de l'ordinaire. Alors moi, je ne peux pas le mettre sur la liste en ce moment parce que son avenir est vraiment incertain. C'est pas Raymond Bourque là, qui s'en vient à Montréal. Là. Je m'en rappelle, on entend des niaiseries à Montréal, là, mais j'ai même vu un Shea Weber à un moment donné. C'est ça. Ce qui est plate, Danny, c'est que tout ça n'est pas revisité 5-6 ans plus tard. Ouais. C'est tout ce qu'on disait sur les prospects de 2014, 2015, 2016, 2017. Comment ça se fait que c'est pas revisité tout ça? Souviens-toi de Josh Brook. Ouais. Josh Brook, moi, c'est un défenseur que je pensais qu'il allait faire beaucoup plus que ça. Là, il est blessé, c'est vrai. Il est blessé. Lui, il jouait avec les Giants de Vancouver, je pense. Hein? Il jouait dans la Ligue de l'Ouest. Oui, les Giants de Vancouver. Je pense que je vais te sortir ça dans quelques instants. Là. Non, ce n'était pas à Vancouver, mais la dernière année, il jouait beaucoup sur le jeu de puissance. Ça a monté ses statistiques. Moose Jaw, c'est ça. Je pensais qu'il était avec les Giants de Vancouver. Okay. Ça, tu vois, 16 buts, 59 passes, 75 points. Oui, mais un défenseur. 59 matchs. Mais un défenseur de 19 ans qui joue sur le power play dans le junior, il y en a beaucoup qui peuvent faire ça. Mm. Puis moi, c'était un gars que je trouvais que défensivement, il ne l'avait pas du tout. Puis il s'est apparu à Laval. Honnêtement, si j'étais Canadien, là, puis que je voulais peut-être là, essayer de rescaper ce projet-là, je pense que je l'essaierais comme il est. OK. Parce que là, il est blessé, il n'a même pas commencé, puis je pense que c'est après les fêtes, je pense. Mais là, ce qu'on parle, c'est potentiel brut. Il y a le côté, là, c'est potentiel brut, là. Côté développement, après ça. Là. Ouais, ouais. Moi, j'ai dit, Joël Bouchard, c'est une grosse perte pour Laval. Est-ce que Jean-François Houlou a le talent pour développer? Tu sais, il a fait quand même un joueur d'hockey avec Jake Evans. Il a fait quand même un joueur d'hockey qu'il a replacé Ryan Pelling. Ryan Pelling, c'était très mal parti, là. Je regarde Cole Caulfield, ça va pas bien. Est-ce que Jean-François Houlou est capable de faire un peu le travail de développement que Joël faisait? Moi, je pense que non. Bien, moi, je pense que ça a été un bon choix comme embauche. Ouais. Parce que c'est un gars quand même qui a fait ses preuves dans l'organisation des Oilers d'Edmonton. Le club école des Oilers à Bakersfield était très, très compétitif. Et puis moi, j'avais quand même aimé, je les suivais parce que je faisais des chroniques à la radio à Edmonton sur les prospects de l'équipe. Puis j'avais aimé, moi, comment le club était dirigé. Je sais qu'il avait été assistant, là. Puis, tu sais, c'est difficile à dire parce qu'on n'est pas dans la chambre, on n'est pas aux pratiques, on ne voit pas qu'est-ce qui se passe. Mais il vient quand même avec un CV intéressant de ce côté-là. Yeah. Puis à date, de ce que j'ai vu à Laval cette année, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il y a. Ouais, puis Timmons lui a pas laissé grand-chose. La preuve, c'est qu'il y a très peu de joueurs repêchés qui sont dans l'équipe. C'est tous il y a beaucoup de joueurs qui ont été signés avec des contrats de la Ligue américaine. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent avec ça? Ah, c'est des joueurs, des Brendan Gignac, des Jean-Sébastien Day, des Alex Belzile, c'est des joueurs des Québécois, c'est des vétérans de la Ligue américaine, tout simplement. Tu sais, Kevin Poulin, et ainsi de suite. Là. C'est bon d'en avoir une coupe, là. Mais la Ligue américaine demeure quand même une ligue de développement et non pas une ligue où tu essaies de gagner avec des gars de 25-26 ans. Oui, effectivement. À Snake, donc dans tes classements exacts, tu ne peux pas me le dire, mais tu m'as fait, si tu as un classement à faire, tu m'as-tu les top espoirs dans les derniers, dans le dernier tiers du Canadien? Talent brut, là. Tu veux dire dans la Ligue nationale? Ouais. Ben oui. Oui, hein? Ben oui. À peu près 25-26, à peu près? Dans ce coin-là. Ah, en tout cas, c'est pas encourageant. Moi, je pense que ça peut changer. On va donner une chance à Jeff Gorton d'arriver. Regarde, tu me l'as dit l'autre fois, on va lui donner une chance. Fait que pour remodeler ça, tout passe par là. Hein. Parce que Danny, même si on ajoute Caulfield et Romanov là-dedans, là, je ne les mets pas bien plus haut. Cole Caulfield, là, il y a toute une côte à monter avant de devenir un gars de 25-30 buts utile. Parce que moi, je parle d'utilité là-dedans. Tu sais, puis on le voit. Il y a un but en quoi, 22 matchs, 23 matchs. Il est perdu sur la glace aussi. Il est perdu, il ne sert à rien. Alors qu'il y a d'autres joueurs, s'ils ne produisent pas, ils vont avoir une certaine utilité. Cole Caulfield, s'ils ne peuvent pas 25-30 buts, si on laisse, s'il ne va pas sur le jeu de puissance faire, je ne sais pas, 10, 12, 15 buts par année, il ne sert absolument à rien. Mais c'est quoi le Debrincat? Debrincat est quand même. Moi, je comparais pas mal le même style. Les deux ont été comparés. Debrincat est très utile au Blackhawks de Chicago. Debrincat, il est plus tough. Il est plus, okay. Il est plus fort physiquement. Puis honnêtement, je sais qu'il y a eu la comparaison par le fait que les deux étaient des marqueurs de 5 pieds 7. Ouais. Écoute, on va lui donner le temps. Là. Il y a juste 20 ans. Mais il y a quand même beaucoup de joueurs de 20 ans en ce moment qui sont entrés. Pense à Alex Newhook au Colorado. Il a démarré tranquillement, mais là, il est rendu établi, repêché un rang après Cole Caulfield. Tu sais, à un moment donné, il y a Peyton Krebs qui est dans la deux rangs après, qui est à Rochester en ce moment, qui va très, très bien, et puis que Buffalo l'amène tranquillement. On le développe. Tu sais, Cole Caulfield, normalement, il devrait être à Laval, puis on aurait dû l'envoyer là toute l'année, puis dire, Cole, travaille certaines facettes de ton jeu, fais des buts, prends confiance. Mais non, on le met dans la Ligue nationale parce que, par défaut, parce qu'il faut vendre des billets, parce qu'on a promis mère et monde. Parce que c'est toujours l'idée. Il a gagné le trophée Hobie Baker l'année passée. Donc, automatiquement, là, rappelle-toi, au mois de septembre, tout le monde a voyé gagner le trophée Calder. Oui, tu sais, je vois. Puis toi, tu avais des réserves, je m'en rappelle. Tu avais beaucoup de réserves là-dessus. T'sais. Oui. Tu avais beaucoup de réserves. Puis il jouait avec Alex Turcotte aussi, hein? Il a joué avec Jack Hughes. Mais ça, c'est correct, ça. C'est quand même un marqueur. Ouais. Moi, j'aime son one-timer. Tu sais, il n'y a pas juste des défauts, là. Moi, je te dis juste que c'est un mélange de hype, là, tu sais, d'attente trop élevée avec le fait qu'on ne prend pas notre temps pour le former. Il y avait de ses coéquipiers là-dedans comme Matt Boldy, qui a été repêché par Minnesota quelques rangs avant lui. Il est encore dans les mineurs de la Ligue américaine. Tu sais, puis il domine en ce moment. C'est bon d'envoyer un joueur dans Jack Quinn était à la même année, je pense. Jack Quinn? Oui. De la même c'est année, bon puis il domine dans la Ligue américaine. Ben, il a le même âge que Caulfield, mais il a été repêché un an plus tard. Ouais. Mais il domine lui aussi. Tu sais, il est dans les premiers marqueurs. Alors, tu sais, je pense que Buffalo fait la bonne chose en ce moment. Et puis, Canadiens ne devraient jamais rappeler des gars tant que les gars n'ont pas dominé à un niveau inférieur. C'est correct de dominer pendant un an. Si tu envoies Cole Caulfield à Laval cette année, mettons qu'il aurait fait 32 buts, 33 passes. C'est parfait, tu l'amènes l'année prochaine. Mais ici, ça criait. Moi, j'avais dit, envoyez-le à Laval. Ah, là, les insultes fusaient de toutes parts. Tu sais, il n'y a rien de mal là-dedans, envoyer un gars un an ou deux dominer dans la Ligue américaine. Ben, regarde la recette du Lightning de Tampa Bay. Ils ont gagné ensemble. Regarde, c'est la même recette. Là. Les gens vendent beaucoup Julien Brisebois, mais Julien Brisebois, il a pris le livre de recettes, puis il y a une recette à ça. Là. C'est ça la différence. C'est Julien Brisebois, quand on cherchait un directeur général, Yvon Pelneau de ce monde disait tout le temps oui, je le veux à Montréal. Mais tu sais, Julien Brisebois, c'est parce qu'il est Québécois que le monde dit ça. Il a appliqué un livre de recettes qui est le livre de recettes du Lightning de Tampa Bay. Oui. Tu es d'accord avec moi? Bien, je suis d'accord avec toi. C'est sûr qu'ils peuvent se le permettre parce que c'est les champions de la Coupe Stanley. Comme les Red Wings faisaient dans le temps, tu peux te le permettre. Mais je pense que le Canadien peut se le permettre aussi. Pourquoi ne pas avoir signé un gars pour un an ou deux? Ouais. Puis le mettre à l'aile, puis dire à Cole Caulfield, va-t'en à Laval. Puis tu développes tous ces gars-là ensemble. Ouais. Tu sais, la Ligue nationale, c'est pas une ligue de développement. Non. Mais tu développes, tu les apprends à gagner ensemble. Puis t'es un peu ce que Norman Finn a dit, mais je sais pas ce qui va arriver. Hey, Snake, merci beaucoup. Joyeuse fête. Bonne année. Ben là, on a fait également l'aile du championnat du monde de hockey junior. Merci beaucoup. Très intéressant, ce top 10-là. Puis je suis bien content de t'avoir comme collaborateur. Puis on va t'entendre encore au 99. Ça va être intéressant de tes chroniques. Je pense que. En 2022, avec ce qu'on va arriver, ben, je pense qu'on va parler beaucoup du repêcheur. Ah oui. Merci beaucoup, Danny. Merci beaucoup. Donc, Simon Snake Boisvert. Hey Simon, tu penses-tu que les joueurs vont aller. Je vais juste arrêter ça. Penses-tu que les joueurs vont aller à Nagano? Pas à Nagano, mais en Chine, à Pékin? Ouais. Ouh, bonne question. 10 janvier, la date limite. Bonne question. Moi, je prends un repère. Tu sais ce que je ferais? Je ferais une Coupe du Monde comme ici. Comme, mais là, Coupe du Monde. J'espère que le COVID va arrêter de niaiser. Là. C'est un moment donné, le COVID, il est là pour la vie. Hein. Fait que tout ouais, ben, il est là pour un bon bout de temps. Là. Ouais. Ouais, ouais. Bon, ça repart, Snake, OK? Salut, Danny. Merci. Bon, ça repart. OK.